Tout de suite, sur France Culture, une proposition de Perrine Kervran avec Marie-Vonne Abolivier, LSD, la série documentaire. 55 minutes de radio Coups humains, un thème et 4 épisodes, à 17h et à 23h. Cette semaine, le Bauhaus a 100 ans. Une série de Camille Jusa, réalisée par Jean-Philippe Navarre. Au départ de cette série, il y a des étudiants en nœud papillon ou chapeau cloche qui tirent la langue, se déguisent ou font de la gym. Une femme qu'on dirait sortie des années 70 qui manie le métier à tisser avec assurance. Et cette photo prise sur un toit d'une clique décontractée, poseuse et fière à l'élégance d'un groupe de rock. Et puis il y a des objets, des lignes droites et des murs rideaux et l'envie de comprendre cette école qui mêle art et artisanat. Alors pour commencer, les personnages. Un historien qui définit, une conservatrice qui raconte, des bâtisseurs de cathédrales, des étudiantes qui fabriquent, une historienne, un graveur qui a connu Kandinsky, Breuer et ses souvenirs, une artiste, un prof végétarien et une designeuse. Ensuite, le décor. L'université, Weimar, des objets pas moches, une république toute neuve, du politique partout, des machines, une avant-garde un peu misogyne, le collectif, la pénurie, un berceau, l'expressionnisme, de l'ail, une expo, le nazisme et Dessau. Aujourd'hui, premier épisode, on fait le point. Le Bauhaus a 100 ans. Si on résume le Bauhaus à une histoire d'architecture, on parle d'une vingtaine de bâtiments sur le territoire allemand. Là, je parle de 1919, 1933. Et puis déjà, après, il faut qu'on aille à Tel Aviv, il faut qu'on aille à New York, il faut qu'on aille à Chicago. Donc, la question du centenaire, c'est qu'est-ce qu'on fait ? Artistes et artisans, unissez-vous. Camille Jusa, Jean-Philippe Navarre. Est-ce qu'on fête ces architectures ? Est-ce qu'on fête ces professeurs ? Est-ce qu'on fête les objets produits ? Mais ces objets, ils sont là, on les connaît. On peut les acheter pour 100 euros aux Galeries Lafayette à Paris. Le cendrier de Marianne Brandt doit coûter un peu moins de 100 euros, je pense. Donc qu'est-ce qu'on fête quand on fête 100 ans de Bauhaus ? Évidemment, on fête un label, une histoire. Est-ce que ça suffit de regarder quelques bâtiments ? Sans doute pas. Est-ce que ça suffit de regarder 5 toiles de Kandinsky ? Non plus. Et il faut essayer de comprendre que cette histoire, c'est une pédagogie, c'est une théorie, c'est une idéologie. Et que derrière tout ça, il y a des choses qui peuvent aussi nous apprendre à changer le monde tel qu'il est aujourd'hui. Du Bauhaus, on a quelques images éparpillées. Des formes géométriques, les trois couleurs primaires, des façades blanches barrées de balcons noirs, quelque chose d'un peu mécanique, l'éruption de la modernité dans l'architecture et le design. Mais on oublie souvent que le Bauhaus, c'est surtout une école qui a réuni toute l'avant-garde allemande et européenne. Ouverte en 1919, fermée deux fois car jugée trop radicale et interdite définitivement en 1933 par les nazis. Elle fut une critique vibrante de la société industrielle, accusée de favoriser le profit au détriment du beau. Une poignée d'idéalistes qui sont convaincus de l'importance de mettre de l'art dans les objets du quotidien et de révolutionner l'habitat. Alors, nous avons mis nos pas dans les leurs pour comprendre en quoi une théière, un papier peint ou une chaise sont toujours politiques. L'histoire commence à Weimar, quelques années avant l'ouverture du Bauhaus. Deux écoles se regardent en chien de faïence, les Beaux-Arts et l'école des arts appliqués. Le directeur Henri Van de Velde est sur le départ. Bienvenue à l'université du Bauhaus. Je suis étudiante à cette université dans le secteur de l'urbanisme et je suis en train de finir mes études cette année. C'est exceptionnel d'être étudiante ici. Nous avons peut-être plus de liberté aussi que dans d'autres universités. On essaye de garder des parallèles avec le Bauhaus encore aujourd'hui. Yolanda Kirschbaum, on est montée au premier étage de cette école des arts appliqués construite par Henri Van de Velde. Et par la fenêtre, ce qu'on voit, c'est que cette école fait face à la nouvelle école des Beaux-Arts. Et tout le principe du Bauhaus, justement, ça va être de réunir ces deux écoles. Le slogan du Bauhaus, c'est effectivement l'unité de l'artisanat et de l'art. et c'est le premier thème quand on parle de Bauhaus. Van de Velde, juste avant la Première Guerre mondiale, il se sent plus trop à l'aise à Weimar parce qu'il vient de Belgique initialement et on lui reproche d'être espion ici. Il se voit forcé à quitter la ville. Il lui propose comme successeur Walter Gropius, mais pendant la Première Guerre mondiale, les professeurs aussi bien que les élèves vont partir à la guerre, Walter Gropius également, et pendant longtemps, il ne se passe rien. Gropius, en réfléchissant dans les tranchées, parce que Gropius a fait la guerre et de façon assez violente, Gropius, pendant ses moments de loisir, réfléchit justement à toute cette idée de réconcilier art et artisanat. Anne Monnier, conservatrice. Et il s'inspire par exemple beaucoup de ce que faisait William Morris avec le mouvement Arts and Crafts à la fin du 19e siècle en Angleterre. William Morris avait un but complètement différent, c'était d'empêcher l'industrialisation progressive de la production artisanale, entre guillemets, de faire des productions moches. Donc William Morris voulait repuiser dans un vocabulaire artisanal anglais qu'il allait mettre à l'honneur, mais tout en utilisant le bon côté de l'industrialisation pour pouvoir fabriquer des choses en série et meubler le plus de gens possible. Donc finalement, Gropius pousse cette idée, mais cette volonté de casser cette hiérarchisation existe déjà ailleurs, et je pense que Gropius la cristallise en fait à un moment où l'Allemagne étant complètement exsangue, certains esprits éclairés se disent pourquoi pas tenter quelque chose de complètement nouveau. Walter Gropius. Tout à coup, j'ai pris conscience que je devais prendre part à quelque chose de complètement nouveau, qui changerait les conditions dans lesquelles j'avais vécu jusqu'à présent. Sur les quatre pages d'un petit fascicule, Gropius fait tenir le manifeste et le programme du Bauhaus tout entier. On est en avril 1919, l'école ouvre dans les cendres de la révolution spartakiste, et l'accent du texte est messianique. Architecte, sculpteur, peintre, nous devons tous revenir au travail manuel. Formons une nouvelle classe d'artisans. En couverture, une gravure énigmatique, celle d'une cathédrale, la cathédrale de l'avenir. Il y existait un mot, Bauhütte. Lionel Richard, historien de la culture allemande. La Bauhütte était la loge des bâtisseurs au Moyen-Âge de cathédrales. À partir de ce mot, il a fondé Bauhaus. Ce n'est plus la hutte, la cabane, mais c'est la maison de l'architecture. Ce que je savais d'expérience, c'est que les jeunes gens sont toujours plus proches du futur que les gens âgés, qu'il faut toujours écouter les plus jeunes. Et au Bauhaus, où l'idée était moins de faire une école qu'un laboratoire, et où on a essayé toutes sortes de choses, les professeurs étaient autant stimulés par les élèves que l'inverse. C'était donnant-donnant de tous les côtés. Il n'y avait pas de chef. Les chefs, c'était fini. Tous les étudiants avaient droit à la parole. Gropius lui-même a participé à un mouvement d'architectes avec les frères Taut notamment, qui était influencé par la révolution de 1919. Les idées révolutionnaires imbibaient les artistes et les architectes à l'époque, et les choses changent un peu parce que la révolution étant écrasée, il y a une adaptation nécessaire, une nouvelle structure où la social-démocratie est encore quand même assez forte. Le peuple allemand doit retrouver un dynamisme, une vitalité à travers des idées humanistes, démocratiques, qui communieraient dans une construction nouvelle. Ce fut un moment très heureux quand j'y repense. Je crois que quand un homme vit de manière progressiste, très loin dans l'utopie, quand il vieillit, il garde une grande fraîcheur. Il reste jeune aux yeux de ceux qui l'entourent. Et ce fut le cas dans ce moment heureux qui a suivi la Première Guerre mondiale. La constitution de la République de Weimar est d'août 1919. Gropius commence à penser au Bauhaus en janvier 1919. Et toute la création de l'école entre janvier et août 1919 porte évidemment sur cette transformation de l'Allemagne en république. Première république en Allemagne. Comment c'est de vivre à Weimar ? Waouh, comment c'est de vivre à Weimar ? Oui, c'est clairement, c'est petit, c'est mignon. C'est une ville dont l'histoire allemande n'est pas uniquement connue pour le Bauhaus. Dans l'histoire allemande, c'est plus Goethe et Schiller, des poètes allemands, je dirais même les plus grands poètes allemands, qui ont vécu ici. Donc c'est ça aussi qui est particulier pour Weimar. Donc il y a pas mal de touristes aussi, mais ça va très bien ensemble, je dirais. Là, on est rentré dans un bâtiment tout vitré, avec évidemment beaucoup de lumière, et on voit des grandes machines et des pièces qui ont été découpées. Où que vous alliez, le Bauhaus, ça signifie quelque chose. Vous pouvez aller partout dans le monde. Si vous dites « j'étudie à l'université du Bauhaus », les gens disent « ah oui, je connais ». Je suis en train de construire une maquette de ville. J'étudie l'architecture et c'est mon dernier semestre à l'université du Bauhaus. Je dois construire une grosse maquette. C'est pour ça que je coupe autant de bois. J'ai 24 ans. J'ai appris à faire des fenêtres, des meubles. Le bois, c'est ma spécialité. Je suis souvent ici, en train de construire quelque chose. J'ai l'impression que le vieux Bauhaus, c'était plus fabriquer du mobilier, des chaises. Aujourd'hui, on fait des maquettes d'architecture. C'est difficile de comparer. Je m'appelle Pia. Ça n'était pas une école d'architecture. Mais l'architecture avait une importance primordiale puisque son directeur initial était Walter Gropius. Le fondateur du Bauhaus était d'une famille d'architectes et il avait une certaine conception de l'architecture qui était que l'architecture, c'était un art total. Il y avait une participation de tous les arts. Il n'y avait plus d'art mineur. La sculpture, la peinture, les arts appliqués, tout cela participait à un élan fondateur, une inspiration. Donc c'était cette conception primordiale de Gropius, mais elle était irréalisable évidemment en 1919 suite à la défaite de l'Allemagne. Donc pour lui ce n'était qu'une perspective et il fallait justement une école pour former cet idéal de l'architecture dans les années qui allaient venir. J'étais conscient, après ce que j'avais déjà fait en tant qu'architecte, que pour vraiment diffuser mes idées, je ne pourrais pas rester seul, mais qu'il faudrait une école dont les principes pourraient porter ces idées. C'est ça qui m'a donné l'idée de fonder le Bauhaus. Alors le seul programme vraiment clair que définit Gropius en 19, parce que le manifeste du Bauhaus c'est très philosophique, un petit peu ésotérique, c'est le but de toute construction, de toute activité plastique est la construction. Donc on est vraiment sur l'idée de construction, on a même dépassé l'idée d'architecture, c'est construire pas uniquement des maisons, pas uniquement des villes, mais des environnements de vie pour tous. C'est l'idée de la collaboration et des savoir-faire qui se rencontrent pour réaliser une œuvre. Alors la première chose, c'est même le terme de Werkkünstler. Alexandra Midal, historienne du design. Donc c'est l'idée des ateliers artistiques, ça vient directement de William Morris. L'idée que l'artiste moderne, il est au service d'un projet social. Il y a la volonté de faire une excellence de la production des biens de consommation, du mobilier, de l'idée du confort, mais surtout, surtout cette idée que nous avons droit, citoyens peu fortunés, nous avons tous droit à vivre dans un environnement dans lequel l'âme peut s'élever. C'est l'origine du design aussi, dans ce cas-là, de plus politique, de plus intéressant, de plus important, à savoir que le design n'est pas là pour être au service du marché, mais c'est une formulation de contestation du marché. Cette idée de démocratisation de l'excellence, on la retrouve évidemment au sein du Bauhaus. Mon idée, c'était de faire des maquettes, de faire des prototypes qui pourraient être utilisés dans l'industrie. Les écoles d'art et d'artisanat en Allemagne et en Europe étaient trop platoniques. Les gens apprenaient sur papier, avec des brosses et des pinceaux, et n'avaient pas assez accès à la fabrication des objets. Je trouvais que les designers devaient savoir comment on fabrique les objets, et qu'il fallait leur apprendre à comprendre les machines et tout le processus de fabrication. Gropius casse cette dichotomie art-artisanat pour que tout le monde produise des objets. Et pour que tout le monde produise des objets, tout le monde va passer par la même étape qui est le cours préliminaire. Donc qu'on soit un jeune qui arrive du lycée, qu'on soit un peintre qui a déjà toute une carrière derrière, on va oublier ce qu'on a appris ou ce qu'on n'a pas encore appris pour partir sur les mêmes bases qui sont l'utilisation de la couleur, comment elle entre en résonance avec l'être humain, l'utilisation des formes, comment elle parle aussi avec ses couleurs, pour avoir en fait toute une base qu'on va pouvoir exploiter ensuite dans des objets, de la peinture murale, du textile, l'architecture, etc. On avait un cours d'initiation, mettons, à la construction plane, à la couleur, et qui était professé par Kandinsky. Albert Flocon. Kandinsky est le monsieur... Graveur. Très décoratif, une belle tête, presque du Kalmuck, qui parlait bien avec le air roulant des Russes. Assez autoritaire, qui n'admettait pas beaucoup les discussions. Ce qu'il disait était la vérité révélée. On recevait d'entrée de jeu un questionnaire qui comportait trois questions et trois petits dessins, un carré, un triangle équilatéral et un rond. Et la question était, à quelle de ces formes-là attribuez-vous les trois couleurs de base, savoir jaune, rouge et bleu ? Le vert n'était pas une couleur, le vert, on le laissait à la nature. Il y avait des opinions là, sur cette question très précise, et on devait donner ses arguments, on devait donner son âge, son sexe et sa nationalité. Alors, il est apparu des choses cocasses dans les discussions. L'idée, c'est de se vider absolument de tout cet enseignement académique qui a formé les artistes pendant des années. Tout reformer, ça veut dire repartir à zéro. Gropius pense que la grande transformation dans les arts du XXe siècle, dès le début, provient de la peinture. La peinture d'avant-garde, bon, le mouvement cubiste, etc. Donc il veut donner un enseignement à des peintres capables d'imposer, en tout cas de favoriser, de nouvelles formes. D'où le fait qu'il va chercher Lionel Feininger, qui a été influencé par le cubisme, pour donner des cours de formes. Et il a fait appel à Johannes Itten, influencé par l'expressionnisme, pour établir ce cours préliminaire. Il faut dire qu'il n'y a rien. Il n'y a pas de matériaux, il n'y a pas de machines, bien sûr, elles sont très vieilles. Et puis, les conditions même de vie sont rudimentaires. La première période de Bauhaus, celle sous la direction d'Itten, qui va durer jusqu'à 1923, elle est extrêmement expérimentale. On est dans un rapport à la dimension psychologique et sensible qui est liée à la personnalité d'Itten, bien sûr, mais pas seulement. Kandinsky est théosophe, il n'y a pas que Itten qui soit mazdéen. Il y a beaucoup de religions comme celle-là qui sont importantes au sein du Bauhaus. Et effectivement, les premières productions qui se déroulent au cours des premières années n'ont rien à voir avec une esthétique de la machine, avec une esthétique moderniste. La céramique, la poterie, etc., etc., le métal, le tissage. Donc on voit bien qu'on est encore dans des rapports extrêmement liés à l'artisanat, et que cette question d'une esthétique moderniste lisse, blanche, c'est pas du tout vrai. Il y a même des influences japonisantes au tout début, donc on est vraiment dans une recherche qui est proche, si vous voulez, une image très forte et très visuelle, c'est l'expressionnisme. Donc après le cours préliminaire, l'étudiant est orienté vers un atelier. Donc je dis l'étudiant parce que si on était étudiante, on était quand même fortement orienté vers l'atelier de textile, puisque Gropius n'avait pas prévu que les femmes se saisiraient avec autant d'enthousiasme de sa possibilité d'étudier au Bauhaus en étant une femme. Et face à toutes ces dames, il n'a pas trop su quoi en faire. Il a essayé de créer un atelier de textile pour les cadrer dans une activité quand même considérée comme féminine. Donc ça, c'est toujours aussi l'ambiguïté du Bauhaus. On est très moderne, très avant-garde, mais on garde quand même aussi des côtés très rétrogrades. Donc on va dans un atelier en fonction de ses affinités avec le maître d'atelier, souvent qui est un grand artiste, Paul Klee, Kandinsky, des gens qui ont déjà toute une aura autour d'eux. Aussi en fonction de ses envies, parce qu'il y a des choses qui sont extrêmement techniques. À l'atelier du métal, on met vraiment la main à la pâte, on se salit, on se blesse. Il y a des ateliers qui sont beaucoup plus tranquilles. Il y a des ateliers qui ont aussi une pratique plus traditionnelle, beaucoup de choses autour de la peinture, du dessin. Mais il y a aussi des ateliers qui vont beaucoup plus loin dans des formes artistiques qui n'existent quasiment pas encore, le balbutiement de la publicité, la typographie, etc. Et dans cet atelier, on va faire ses études. À la fin, on reçoit le diplôme du Bauhaus. Si on est dans un atelier un petit peu traditionnel, on peut devenir compagnon, vraiment avec la façon dont les Allemands organisaient ça à l'époque. Et il y en a beaucoup qui vont en fait ensuite rester au Bauhaus et devenir à leur tour professeur et continuer cette transmission du savoir. Le principe du cours préliminaire, c'était de détruire l'imitation. Les jeunes gens, bien sûr, sont enclins à imiter leur maître. Mais on essayait de les décourager de cette voie. Si un élève était tenté d'imiter son maître, on lui disait « ce n'est pas toi ça, ça vient de ton professeur ». Alors il y avait des crises parmi les élèves, mais c'était un moyen pour chacun de se construire à partir de sa propre personnalité. On essayait de développer une sorte de science du design, des idées objectives fondées sur la vie physiologique et psychologique des hommes, qui sont objectivement vraies pour vous, pour moi et pour tout le monde. Au début, Gropius a eu cette idée pour que les ateliers puissent fonctionner. Donc un artiste qui donne les grandes lignes esthétiques de l'atelier et un artisan qui explique concrètement comment on fabrique les choses. Parce qu'effectivement, quand il explique à Paul Klee qu'il va devenir le maître de son atelier d'imprimerie et de reliure, Paul Klee est un petit peu désarçonné parce que lui, il ne sait pas du tout faire de reliure. Donc il lui trouve un relieur et ça va se passer comme ça pour à peu près tous les ateliers. Bien, Flocon, il y a un peintre qu'on a peine imaginé comme professeur, c'est Paul Klee. Mais Paul Klee, je l'ai eu l'année d'après. Il faisait aussi un cours sur la fameuse pédagogie de Klee, sa géométrie légèrement tremblée, mais combien subtile. Et Klee, c'était un grand timide, un introverti. Il parlait toujours en regardant dans le coin de la salle. Il ne regardait pas les gens. Mais il parlait avec douceur, avec humour. Maintenant, nous, on se voulait des scientifiques, on se voulait des gens rationnels qui savaient exactement de quoi la société retourne, que sera le futur. On était très d'une présomption qui me semble aujourd'hui absolument inconcevable. Mais Klee, on disait c'est la poésie, ça passait bien. La poésie était dans nous, elle était autour de nous. Je m'appelle Léonie, je suis étudiante en design. J'ai commencé il y a 4 semaines. J'apprends à concevoir des objets pour tous les jours. L'idée, ce n'est pas seulement chercher l'aspect esthétique, mais aussi l'aspect fonctionnel et écologique. To be nice to the environment, the Bauhaus University. It's quite important for. À l'université du Bauhaus, les professeurs veulent que nous tentions des choses et que nous fassions des choses pratiques, pas seulement de la théorie. Si on ne construit pas, on ne peut pas savoir où un objet a besoin d'être amélioré. J'ai des dessins là. Donc vous là, vous nous montrez un petit carnet avec beaucoup de dessins, de petits plans. Des notes. You can see there is like the sandwich and you can see c'est un projet de sablier avec des petites ampoules LED. Quand on le tourne, toutes les LED jaunes s'allument, puis le sablier se vide. Donc, la LED qui est en haut s'éteint et celle du bas s'allume. En ce moment, nous apprenons comment programmer ces LED. C'est difficile, mais c'est très amusant aussi. Maintenant que je suis là, je vois toutes ces choses géniales à Weimar. La communauté étudiante, l'atmosphère, c'est si petit, nous sommes très peu nombreux. Et le Bauhaus offre autant de bonnes choses. Les ateliers sont incroyables, les professeurs nous poussent beaucoup. Il y a des étudiants en art, des designers, et on partage tous les mêmes espaces. Et c'est important, parce que les beaux-arts sont à un bout du spectre, et le design à l'autre bout. Mais en réalité, on ne peut pas vraiment les séparer. Est-ce que vous pouvez nous décrire cette photo qu'on a sous les yeux, qui est une photographie de groupe lors d'une fête à Weimar en 1924 ? D'abord, on est assez surpris peut-être par la modernité de cette photo. Alors, la photographie au Bauhaus, c'est un sujet passionnant parce que le cours de photographie commence en 29, mais dès le début de l'école, les gens font de la photo tout seuls parce que c'est un médium qui est tellement contemporain, qui est tellement d'avant-garde qu'ils sont obligés de se saisir de ce sujet et de faire des photos. Et effectivement, sur cette photo, on voit tout ce qui fait le charme du Bauhaus. On a une composition qui peut paraître en fait extrêmement classique. Les gens sont en rang, un petit peu comme quand on fait des photos de groupe à l'école. Finalement, les plus petits en bas qui sont assis, les plus grands derrière qui sont sur des chaises pour qu'on puisse voir tout le monde. Ils sont habillés d'une façon qui est plutôt normale pour l'époque. On voit des cravates, on voit des vestes, on voit des nœuds papillons. Finalement, on voit que tous ces gens n'étaient pas que des révolutionnaires forcenés. C'était aussi des gens qui venaient de tous les milieux sociaux de l'Allemagne et qui avaient parfois un terreau extrêmement bourgeois, extrêmement conventionnel. Et puis, ce qui est quand même assez drôle, c'est tous ces petits mots qu'on voit, catastrophe, Spannung, qui veut dire entraînement, Pause. On a l'impression qu'il n'y a pas vraiment de lien entre ces mots. Et ça, c'est en fait l'esprit des fêtes du Bauhaus. Il ne faut pas voir ça uniquement comme un moyen de s'amuser, de relâcher la pression. Les fêtes du Bauhaus, c'était aussi un moyen pour tous de travailler différemment. Il y en avait un qui faisait les décors, l'autre qui faisait les costumes, il y en avait qui inventaient des pas de danse et il y en avait qui composaient de la musique. Et là, je pense qu'on est un petit peu à la fin de la fête parce qu'on voit que certains ont encore leurs petits chapeaux, des choses assez travaillées. Certains ont l'air beaucoup plus échevelés. Donc là, je pense que ça doit être la photo de fin pour garder une trace des fêtes du Bauhaus. Le Bauhaus, c'est pas froid, c'est pas blanc, c'est pas allemand, comme on pourrait le dire au sens négatif du terme en France. C'est très vivant. C'est des jeunes gens qui, malgré des conditions de vie très dures, essayent de créer quelque chose de nouveau et y mettent tout leur cœur et leur passion. Archive, Monsieur Breuer, 3 deuxième. Et la vie quotidienne, comment était-elle ? La vie quotidienne était assez gaie, une vie assez romantique, bohémienne, improvisée. Dans le Bauhaus, beaucoup de fêtes, amour, beaucoup de travail aussi. L'idée de Gropius est que l'école, c'est une communauté sociale. Et donc, il faut tout faire pour que cette communauté sociale bénéficie des meilleures circonstances pour apprendre et produire. Et donc, la psychologie est très importante aux yeux de Gropius. Comment un élève peut ne pas se refermer sur lui-même à l'intérieur de l'école. Et donc, déjà, il va introduire une espèce de variante de la psychologie à travers l'embauche d'une psychologue spécialiste du chant, Madame Gertrude Grunau, qui, au fond, sera une espèce de mère pour ses élèves. Quand ils auront des problèmes, ils iront la trouver. Et, au fond, ce qu'elle veut, c'est que l'esprit de ses élèves soit dans de meilleures dispositions et communie vraiment avec les ambitions de l'école. Et de la même manière, il pense que la fête peut développer leur mentalité, leur inventivité, etc. Je crois qu'il n'y aura jamais une pareille atmosphère nulle part. Nina Kandinsky. Vous savez, les artistes qui travaillaient là-bas, c'était des artistes très importants. Et en même temps, ils étaient des vrais idéalistes, ce qui n'arrive pas souvent. On était très mal payés là-bas. Alors, on a donné beaucoup, beaucoup de temps pour l'école. Mais on a travaillé avec joie. Il y a eu un très bon contact entre les élèves et entre les professeurs. Et d'ailleurs, il ne s'appelait pas les professeurs, il appelait ça les maîtres. Bon, maître. Et les maîtres, entre eux, étaient ensemble toujours plus que corrects et très, très amicaux. On a travaillé très sérieusement, mais sans un définitif système. On ne pensait pas beaucoup de son carrière, de son futur. On voulait créer, on voulait travailler, on voulait faire des choses, trouver une forme pour les problèmes contemporains. Et l'argent, d'où venait-il? Parce qu'enfin, vous n'aviez pas d'argent. Non, on n'avait pas d'argent. Et moi, par exemple, je ne peux pas dire maintenant de quoi je faisais mon existence. Je ne sais pas. Anne Monnier, la naissance de cette école se fait dans un contexte de grande pénurie et les tout premiers ateliers à Weimar n'ont rien pour fonctionner. Oui, et c'est ça qui est aussi important dans l'histoire de l'atelier du textile, c'est que finalement cet atelier que Gropius crée un petit peu pour les femmes va se mettre très vite en route parce qu'il reste du matériel de l'école des arts appliqués de Weimar. Elles vont très vite tisser des tapis, des petites poupées qu'elles vont vendre sur les marchés de Noël et ramener de l'argent. Et en fait, l'argent au Bauhaus, c'est le nerf de la guerre. Gropius va passer littéralement sa vie à faire des conférences pour ramener de l'argent au Bauhaus, à draguer des industriels, des mécènes, et en fait, quand il part du Bauhaus, il est éreinté parce que ça fait des années qu'il n'a pas créé quelque chose lui-même et qu'il porte le Bauhaus sur son dos pour faire vivre l'école. Et au début, on est effectivement dans des conditions de vie extrêmement dures. Il n'y a pas non plus à manger tous les jours. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, quand on voit le prix qu'atteignent des meubles créés au Bauhaus dans des toutes petites séries avec des gens qui, malgré les conditions, ont réussi à créer et à être heureux de ce qu'ils créent, on sent qu'il y a quand même un vrai décalage entre l'esprit du Bauhaus et ce qu'on a pu en faire aujourd'hui. Inès Weitzmann, on avait envie de venir avec vous ici dans ces réserves du classique Stiftung Weimar, qui est donc cette fondation qui possède énormément d'archives du Bauhaus de la période de Weimar. On nous a sorti quelques objets extrêmement emblématiques, un berceau, une chaise de Marcel Breuer, une toute petite théière de Marianne Brandt, une lampe de Wagenfeld, un tableau de Lionel Feininger. Alors il y a ce berceau, c'est un des objets les plus connus du Bauhaus. Eaton, Johannes Eaton, avait fait un berceau au tout début du Bauhaus qui est un berceau extrêmement expressionniste. Et puis il y a cette proposition quelques années plus tard qui est assez drôle parce que ce berceau en réalité sont des formes très géométriques. C'est une sorte de triangle pour accueillir le lit de l'enfant. Et puis, pour supporter ce triangle, il y a deux cercles à chaque extrémité. Et donc, on imagine bien qu'à la fois, on peut faire rouler le berceau pour bercer l'enfant. Et puis, on a ce petit clin d'œil aux trois formes géométriques du Bauhaus. Le cercle qui est peint en bleu, le triangle, les faces du berceau qui sont peintes en jaune. Et puis, la partie un petit peu rectangulaire qui est évidemment en rouge. Il y a beaucoup d'humour quand même dans cet objet. D'abord, on a l'impression que c'est un peu dangereux. On a envie de le bloquer pour l'empêcher de rouler sur lui-même et qu'il ne fasse pas un tour complet avec l'enfant dedans. Mais il y a quelque chose qui me surprend beaucoup. Parce qu'on connaît cet objet, on en connaît les photos. C'est un objet iconique qui représente le Bauhaus avec ses formes géométriques. Mais en fait, il est gros. C'est un objet très volumineux. Il faut imaginer que les expérimentations qui sont faites dans les ateliers de mobilier du Bauhaus explorent différents matériaux et comment ils peuvent marcher ensemble. Mais ces recherches sont aussi faites dans l'idée de l'habitat minimal. C'est un berceau qui est censé être produit en série pour que chaque famille puisse en avoir un comme ça chez elle. Mais il est énorme. Donc ce n'est pas un très bon investissement. Si on pense au fait qu'il est censé être produit en série, comme un objet de consommation de masse, ce qu'on voit aussi dans cet objet, c'est le lien entre les différentes disciplines du Bauhaus. Ce berceau, c'est une pièce de mobilier, mais ça pourrait être aussi une peinture. J'imagine très bien l'esquisse que Peter Killer a dû faire. Ça devait ressembler à un dessin constructiviste ou influencé par le mouvement de Stiel. Et c'est presque une pièce d'architecture aussi, ce berceau. Ça nous raconte ce moment où les conversations étaient très ouvertes au Bauhaus. On ne peut pas dire si c'est un travail proche de Eaton, de Kandinsky ou de Schlemmer. Schlemmer qui réfléchissait à la dynamique du corps et comment créer des objets qui accompagnent la dynamique du mouvement. Oui, je crois que toutes ces disciplines sont représentées dans ce berceau. Alors, il y a un deuxième escalier dans cette école. Il y a le grand escalier et puis il y a un petit escalier en bois. Il y a une très, très grande fresque. On pourrait vraiment, si on devait être dans la caricature du Bauhaus, on pourrait montrer cette peinture parce qu'il y a des formes géométriques, des triangles, des cercles, des couleurs primaires. Ici, ce sont les escaliers annexes aux grands escaliers que nous venons de quitter. Ces escaliers ont été construits également pour l'exposition par un élève qui s'appelle Herbert Bayer et qui a aussi fait cette peinture qui va sur 3 étages et qui se consacre à la question quelle forme va avec quelle couleur. À l'étage 3, on voit des triangles avec la couleur jaune. Dans le deuxième étage, on voit des carrés avec la couleur rouge. Et dans le premier étage, on voit des cercles avec la couleur bleue. C'est la combinaison de couleurs et de formes que Bayer a appris par son professeur Kandinsky. Mais il n'y a pas vraiment de réponse finale. Il n'y a pas de réponse à la question quelle forme va avec quelle couleur. C'était un grand thème de dispute. Cette définition que nous voyons ici a été définie par Kandinsky, mais d'autres maîtres l'ont vu totalement différemment et c'était le grand débat à cette école. Cette peinture nous indique également le chemin parce qu'il y a une flèche avec écrit à côté secrétariat. Herbert Bayer, il est aussi très connu parce qu'il a révolutionné la typographie. Il a inventé cette police qu'on appelle Bauhaus et qu'on peut d'ailleurs tous avoir dans nos logiciels Word. Est-ce que cette police-là qui écrit secrétariat, est-ce que c'est déjà la police Bauhaus ? Oui et non, parce que Bayer il a créé plusieurs typographies, et pas seulement lui, mais aussi d'autres gens du Bauhaus, donc il y en a plusieurs. Le Bauhaus, c'est vraiment le fait d'essayer. À Weimar, le Bauhaus est vraiment à l'avant-garde. Jusqu'à l'exposition internationale que l'école organise en 1923, il y a beaucoup d'expérimentation. Ça devait être fascinant de suivre Gropius. Il faut imaginer ces élèves d'horizons différents. Il y avait des femmes aussi pour la première fois qui devaient goûter cette liberté nouvelle. Certains étudiants étaient pauvres. Donc la communauté ici devait vraiment avoir un sens particulier, avec beaucoup d'entraide. Et puis Gropius qui visiblement s'occupait d'eux. Tout le monde se demandait vraiment ce qui était en train de se passer ici. Je suis professeur de théorie architecturale ici à Weimar. En tant qu'historienne, je suis fascinée par le fait que tout ça ait survécu et soit parvenu jusqu'à nous. J'imagine Eaton se promener dans le parc avec ses étudiants ou avec ses disciples, disons, parce que c'était presque une secte. Il marchait dans une grande tunique blanche, débattant et chantant dans les rues de Weimar. Itten, au début du Bauhaus, c'est par lui que passent tous les étudiants du Bauhaus, donc il a une force d'influence absolument incommensurable. Au-delà d'être un peintre qu'on peut considérer comme n'ayant pas marqué l'histoire de l'art par sa peinture, c'est un très bon pédagogue, mais c'est aussi quelqu'un d'extrêmement mystique et qui va entraîner beaucoup de ses étudiants, sur qui il a beaucoup d'influence, dans cette spirale du mysticisme. Itten, il est mazdéen, qui est une sorte de culte à la vie, à la nature, au soleil, quelque chose de très ésotérique, qui consiste en quelques points à être végétarien. Et ça, ça va poser énormément de problèmes au sein de la cuisine du Bauhaus. Être végétarien, mais aussi à manger beaucoup d'ail. Ça a l'air très anecdotique quand je vous dis ça, mais finalement, il y a beaucoup de batailles au sein du Bauhaus, notamment avec Alma, qui est la femme de Gropius, qui est la veuve de Gustav Mahler et qui est la grande dame de la grande bourgeoisie viennoise par excellence et qui se retrouve à Weimar, où tous ces jeunes gens sentent l'ail parce que Itten leur ordonne de manger de l'ail à tous les repas. Donc ça donne des choses extrêmement cocasses. Et il y a aussi, ça c'est très important, beaucoup d'exercices, de méditation, mais aussi de travail sur son corps. Des choses qui vont finalement être assez proches du yoga, d'arriver à atteindre une espèce de paix intérieure et de paix corporelle pour mieux percevoir l'environnement et mieux créer. Et finalement, si Itten il est si important, c'est qu'il va progressivement peser beaucoup sur la volonté de modernisation du Bauhaus. Il y a beaucoup de mouvements d'avant-garde qui se moquent d'Itten et du Bauhaus, notamment de Steyl autour de Mondrian, de Theo van Doesburg, qui comprennent pas très bien ce que c'est que ce mysticisme, qui se raccroche aussi au romantisme allemand, cette bourgade Weimar dans la forêt. Donc tout ça, ça pénalise aussi l'image d'avant-garde du Bauhaus. Et finalement, en 1923, Itten et Gropius ne seront plus du tout d'accord. Itten va s'en aller et Gropius va le remplacer par Molinoch, qui lui est un jeune artiste brillant, rationnel, constructiviste, et qui va emmener le Bauhaus dans la modernité et dans le lien avec l'industrie. Molinage était une personnalité très vivante. Il était presque comme un enfant dans sa manière de s'intéresser à tout ce qui sortait dans le domaine technique et électrique. Il était à l'affût de toutes les nouveautés. C'était un type qui expérimentait beaucoup. Il était peut-être mon ami le plus proche au Bauhaus et on s'est pas mal influencé l'un l'autre. 1923, Gropius fait un discours et il explique que c'est l'art et la technique qui vont dominer. Lionel Richard. Et non plus art et artisanat. Art et technique, c'est-à-dire tous les moyens de la technique nouvelle, industrielle, pour produire. Itten choisit de partir. Le constructivisme étant en pointe en Russie, c'est le courant le plus important. Et c'est un courant qui est fondé sur la géométrie, l'utilisation d'abstractions géométriques, etc. C'est-à-dire, au fond, la possibilité d'élaborer des projets facilement réalisables par l'industrie parce qu'ils sont schématiques. Et Molinage, qui est d'origine hongroise, est influencé par ce constructivisme et Gropius pense qu'il fait une bonne recrue. Molinage prend l'atelier du métal et va développer une certaine production, production de lampes, etc., d'objets. Raphaël Billet, vous êtes conservatrice au Musée des Arts Décoratifs et vous vous êtes, vous, intéressée à cet atelier métal du Bauhaus. On a ces trois pièces d'un service à thé de Marianne Brandt, tout ça en métal. Les principales caractéristiques, c'est que elle utilise des formes géométriques très simples, hein, c'est-à-dire des demi-cercles pour faire le contenant de la théière. Par exemple, elle rajoute juste le bec verseur. Par-dessus, elle ajoute, mais disposée de manière un peu décalée, l'anse. Donc du coup, elle crée une vraie composition géométrique, comme une œuvre d'art, en définitive. Et elle fait reposer l'ensemble sur un pied cruciforme qui rajoute encore à l'esprit de composition et à l'esprit artistique de ces pièces. Et c'est vrai que c'est une des forces des productions du Bauhaus où un enseignement artistique avait été ajouté à un enseignement technique qui du coup a permis cette production d'œuvres qui sont à la lisière entre objets utilitaires et œuvres d'art. Maintenant, il ne faut pas oublier une chose, c'est qu'elles n'ont pas rencontré un grand succès en réalité et qu'il y a finalement assez peu d'exemplaires qui ont été conçus à l'époque. parce que c'était beaucoup trop avant-gardiste pour plaire au public. Donc, en dépit des icônes qu'aujourd'hui on connaît issues de ce laboratoire de la période Weimar, ça n'a pas bien marché commercialement parlant. En 1923, donc, il y a cette grande exposition du travail du Bauhaus, qui est une sorte d'exposition un peu bilan des premières années. Le Land de Thuringe, qui a quand même donné beaucoup d'argent, aimerait bien voir ce que Gropius a fabriqué pendant toutes ces années. Donc tous les ateliers montent leur réalisation, mais ce qui est extraordinaire, c'est que tout le monde a mis la main à la pâte. Il y a aussi une exposition internationale d'architecture, où là, Gropius a invité tous ses amis architectes audacieux, jeunes, à venir montrer des réalisations. Dedans, il y a Mies van der Rohe, qui va diriger l'école en 1930. Lié à cette exposition internationale d'architecture, il y a une maison témoin du Bauhaus qui relie les deux facettes de l'exposition. Donc c'est une maison qui a été créée par les étudiants du Bauhaus, les architectes du Bauhaus. À l'intérieur, tout est meublé comme la maison témoin du Bauhaus. On passe à des objets fonctionnels, c'est-à-dire les plus simples possibles, les plus schématiques, mais les plus utiles, c'est-à-dire la beauté n'est déterminable que par l'utilité que peuvent avoir ces objets. C'est le principe du fonctionnalisme, d'où les chaises à tubes que Marcel Breuer propose, les fauteuils, les lits les plus simples, la maison du Bauhaus qui va être construite. Bon, les chambres sont construites de la façon la plus rudimentaire qui soit, avec toutes sortes de meubles en angle, hein, c'est-à-dire des meubles élémentaires. Les lampes sont réduites à leur plus simple expression, ce sont des tiges réglables et des globes. Les pièces s'enchaînent et il y a des choses très accessibles qui montrent qu'il y a une réflexion du confort pour tous, mais en même temps des choses très surannées, la chambre de madame avec sa coiffeuse, la chambre de monsieur, donc on est encore aussi dans une division très bourgeoise de l'espace. La chambre des enfants qui, elle, est extrêmement novatrice avec le concept de la nurserie poussée au maximum, des jouets très modernes qui vont stimuler les enfants avec les formes et les couleurs, voilà des choses qu'on utilise encore vraiment aujourd'hui. Et puis tout le mobilier est fait par les ateliers du Bauhaus, tous les textiles, etc. Et la troisième partie de l'exposition, ça c'est très drôle parce que finalement c'est très old school, c'est une exposition des peintres du Bauhaus au musée de Weimar. Donc on voit des très beaux Kandinsky, des très beaux Klee, des très beaux Feininger, on voit des sculptures aussi de Georg Moureux et c'est toujours aussi cette volonté d'aller très loin mais de quand même garder des points de repère pour le spectateur. On fait une exposition d'architecture d'avant-garde mais on fait quand même aussi une belle exposition de peinture parce qu'il y a des beaux peintres, il faut les montrer. L'exposition est un succès pour le Bauhaus, mais effectivement plutôt un succès d'estime. Il y a beaucoup de visiteurs qui viennent des quatre coins de l'Europe. Il y a toute une légende extrêmement drôle sur le voyage de Stravinsky qui vient à Weimar pour voir le Bauhaus. Il faut aussi garder en tête que Weimar, à l'époque, c'est une ville assez endormie qui vit un petit peu sur la splendeur de Goethe et de Schiller, qui sont les figures tutélaires de la ville, mais qui est maintenant une petite bourgade de province. Vous savez, la ville Weimar, c'était une ville adorable, la ville de Goethe. Nina Kandinsky. Alors, l'atmosphère de Goethe était là, mais les habitants ne l'étaient pas. Et alors, pour eux, Bauhaus, c'était une chose effrayante. Et même, par exemple, quand les enfants pleuraient, alors les parents disaient, eh bien, si tu continues à pleurer, tu iras à Bauhaus. Alors ça, c'était effrayant. L'enfant cessait à pleurer. Bauhaus était trop moderne pour ces gens-là. La population va considérer que ce qui est proposé, par exemple, comme la maison, c'est un cube, quoi. Donc, c'est quelque chose qui ne ressemble pas à une maison allemande. Finalement, le vrai but de Gropius, c'était d'intéresser les investisseurs et les industriels pour que des gens achètent des licences et fabriquent des objets du Bauhaus. Et ça, malheureusement, il ne va pas du tout réussir. C'est donc toujours son double but d'une école autofinancée, mais aussi de pouvoir irriguer la société allemande avec ses idées et ses objets. Et finalement, pour le Land de Thuringe, cette exposition qui ne va pas trouver son public auprès des industriels, c'est le signe que cette école est trop coûteuse pour le Land et qu'il faut l'arrêter. Et ça va intervenir dans une période où les opinions politiques deviennent très très influentes, c'est très tranché, la droite a peu de majorité, mais enfin, elle va l'emporter, ce qui fait que le conseil municipal de Weimar va couper les crédits au Bauhaus dans la mesure où cette exposition a coûté très cher pour aboutir à des conflits tout de même avec les artisans. Parce que les artisans de Weimar, du coup, ils se sentent exclus de cette évolution du Bauhaus, puisque le Bauhaus deviendrait une firme de production. Il y a les difficultés qui sont liées au Bauhaus, qui doit déménager parce que, effectivement, ce repère de bolchevique, ça commence à bien faire. Alexandra Midal. Il y a une crise économique qui ravage complètement les foyers allemands. D'ailleurs, l'idée qu'il y ait une école encore d'art à ce moment-là, c'est déjà totalement stupéfiant. Il y a des dissensions politiques. La montée de l'extrême droite ne date pas de 1933. Il y a des discours qui sont là, il y a des propos qui sont faits. L'art est quand même, et la culture à cette époque, est fortement en ligne de mire de ces partis d'extrême droite. Et donc, il y a pour le Bauhaus une obligation de changer entièrement de direction. Et finalement, c'est une toute petite ville portée par un maire progressiste, Fritz Hesse, qui va emporter la mise, c'est Dessau. Donc, quand Gropius et les autres partent, ils laissent tout sur place. Et toutes ces choses vont être entreposées, vont finalement passer la guerre très tranquillement, parce que plus personne ne sait qu'elles sont là. Vont passer la période de l'Allemagne de l'Est assez tranquillement aussi. Et c'est au moment de la chute du mur, de l'ouverture de l'Allemagne de l'Est, etc., qu'on va retomber sur ces collections à point nommé, parce que c'est là que la mémoire du Bauhaus se met en place. Ici, c'est le cœur du bâtiment. On peut dire que c'est la salle du directeur. Il faut savoir, c'est vraiment une salle remplie de Bauhaus. On voit un canapé, un fauteuil, un bureau, une chaise. Chaise extraordinaire qui est vraiment constituée de lignes et de plans. Ces fameux luminaires, là, on a juste une lampe de bureau, mais c'est un globe. Et un pied en métal, aujourd'hui c'est très commun, à l'époque évidemment c'est révolutionnaire. Le but de ce bureau-là était même de choquer les visiteurs de l'exposition. Je pense que le mot manifeste décrit bien le concept. On peut aussi dire qu'il s'agit d'une exagération qui va à l'extrême, dans la recherche des règles mathématiques, jusqu'au choix des couleurs qui se montrent sur le plafond et qui séparent les différents secteurs de la salle. Le but, c'était de créer une sorte de cube. Le but, c'était également de faire référence à un système orthogonal. On peut prolonger presque chaque ligne et on atteint une prolongation de cette ligne dans un autre meuble. Par exemple, là, je me déplace dans le bureau. Je prends comme exemple la table. Je la longe et j'atterris au fauteuil qui est dans la salle à la même hauteur. Et ce concept-là fait qu'il y a des lignes partout. Et l'extrême, c'est peut-être la lampe qui est au plafond. Quand je descends la ligne de la lampe, elle arrive précisément sur le bureau. Même les visiteurs aujourd'hui sont peut-être pas choqués parce qu'ils sont beaucoup plus habitués à ces formes-là, à des meubles d'IKEA qui ressemblent beaucoup plus dans le design à ce qu'on connaît aujourd'hui. Mais il faut s'imaginer les visiteurs de l'exposition à l'époque, à quel point c'était loin de ce qu'ils ont été habitués à voir et à voir à la maison. Merci à Anne Monnier, Raphaël Billet, Alexandra Midal, Inès Weitzmann, Yolanda Kirzboom, Pia, Laura et Léonie, Lionel Richard et Thibaut de Ruyter. Merci également à l'Université du Bauhaus, au classique Stiftung Weimar et au Musée des Arts Décoratifs de Paris. Traduction Marie Eck, voix Renaud Bertin, Julie Navarre et Laura Dutec-Pérez, documentation INA Marie Chauveau, Documentation musicale, Virginie Gresset. Coordination, Perrine Kervran. Attachée d'émission, Marie-Vonne Abolivier. Mixage, Alain Joubert. Le Bauhaus à 100 ans. Artistes et artisans, unissez-vous. Un documentaire de Camille Jusa et Jean-Philippe Navarre. LSD pour aujourd'hui, c'est terminé. Bibliographie, lien ou pour nous réécouter à Weimar, c'est sur la page de l'émission sur franceculture.fr. Et les pages, c'est Marie-Vonne Bolivier, Mathias Mégy et Anne-Lise Signoret. Vous pouvez aussi nous podcaster sur toutes les plateformes, nous trouver sur la page Facebook de France Culture, nous suivre sur Twitter et même sur Instagram. Demain, deuxième épisode, des objets à la chaîne.